Tu m'as toujours dit que si tu partais, je ne trouverais pas une belle femme comme toi. Tu es belle, je le sais, mais tu oublies une chose. Avoir un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Tu as tout le temps de bien réfléchir. À toi de choisir ce que tu trouves bon. Le foyer ou la rue, la nuit dans les hôtels. Si c'est ça qui te plaît, fais donc ta valise. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Tu n'as que 20 ans, tu es toute fraîche. Alors tu oublies qu'un jour tu vieilliras. Quand à 35 ans, ta peau durcira, tu ne seras plus que l'ombre de toi-même. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile. Mais un mari, c'est très difficile. C'est difficile à en avoir un mari, c'est très difficile. Lève-toi le matin et fais-lui son café, bibiche. Un mari, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'hommes dans la rue, mais tous des aventuriers. Un mari, c'est très difficile. À midi, fais-lui son déjeuner. Un mari, c'est très difficile. Un mari, c'est très difficile. Tu trouveras des hommes, mais tous des aventuriers, bibiche. Un mari, c'est très difficile. Avoir un homme, c'est si facile, bibiche. Mais un mari, c'est très difficile. Un mari, c'est très difficile.